Si mes souvenirs sont bons, si mes souvenirs sont bons, si mes souvenirs sont bons, c'est possible. Si mes souvenirs sont bons, si mes souvenirs sont bons, si mes souvenirs sont bons, moi aussi. Oh! si mes souvenirs sont bons, je peux tout. Si mes souvenirs sont bons, si mes souvenirs sont bons, si mes souvenirs sont bons, je peux tout oublier.